2 days ago, I spoke about the obstacles to concentration and the antidotes for them. So when we are able to concentrate the mind, then knowledge develops. We start to know. And it's important to practice to develop knowledge, because we come here with some type of faith. We have confidence that this practice will be beneficial. We understand, we may have faith and confidence in the Buddha or in the Dhamma or in the Sangha of monks. Or we may simply have the understanding that when we do something good, it brings a good result. And if we do something bad, it will bring a bad result. And with this, in confidence that this is a good thing to do that will benefit us, we come to practice. So there should be this type of faith at the base of our practice. But then we need to, if we don't, we may have faith because we heard about the practice, or in any case, for some reason, our faith and confidence in this becomes awake. But if we don't cultivate it further, if we don't actually do the practice and develop knowledge to some extent, then the faith that is wakened up will fall back asleep. So our practice can support our confidence, our further confidence in the practice. Il y a deux jours, je vous ai parlé des obstacles à la concentration et des antidotes à ces obstacles. Lorsqu'on est capable de concentrer l'esprit, on commence à développer la connaissance. Il est important de pratiquer pour développer la connaissance. Quand on vient ici à la retraite, il est possible qu'on ait une forme de foi déjà, par exemple dans le Bouddha, dans le Dhamma ou dans le Sangha, la communauté des moines, enfin la communauté bouddhiste. Ou bien on peut avoir une forme de compréhension déjà avant même de commencer que les bonnes actions mènent à des bons résultats et que les mauvaises actions mènent à de mauvais résultats. Et aussi avoir une vague idée que la pratique de la méditation peut nous apporter des bénéfices. Donc on a une forme de foi avant de venir sans avoir encore de connaissances. Et on a besoin de cette foi, de cette confiance. Cette confiance peut nous être venue du fait qu'on a entendu parler de la pratique, par exemple. Et puis, pour une raison ou l'autre, ces mots qui nous sont parvenus ont été réveillés et on est venu pratiquer ici dans ce centre. Cependant, si on ne développe pas la connaissance, cette foi va retomber dans le sommeil et donc on ne pratiquera plus. Alors, pendant qu'on accomplit donc la tâche de Satipatthana, on observe les quatre bases de l'attention, donc Kaya, le corps, Vedana, les sensations, qu'elles soient plaisantes, déplaisantes ou neutres, Citta, les consciences, et Dhamma, qui sont tous les actes de voir, de sentir, d'entendre, de goûter, etc., etc. On déploie l'énergie mentale et l'application à l'objet. On essaie de viser l'objet. On essaie d'observer l'objet de méditation de manière ferme et continue. On commence par observer le corps. Donc des quatre bases de l'attention, on commence par le corps, et le corps se manifeste par exemple dans la posture assise, ou bien quand on se lève, quand on tend le bras, quand on replie le bras, etc., etc. Dans tous ces actes, le corps est évident. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien parler du processus qui est en jeu quand on s'assied, à la fois du point de vue pratique et du point de vue théorique. Alors lorsqu'on est debout et qu'on s'apprête à s'asseoir, il y a deux choses qui sont impliquées dans le processus. Il y a d'abord l'intention de s'asseoir, et ça relève de l'esprit, du mental, nama en pali. Et il y a ensuite le fait que graduellement le corps s'abaisse, devient de plus en plus lourd, et ça c'est le corps qui est impliqué, c'est rupa en pali. Ces deux choses sont évidentes, sont très claires. C'est à la fois un dhamma mental et un dhamma physique. Mais cependant, si on n'observe pas ça au cours de la pratique, on ne connaîtra pas ces deux éléments. Donc, on doit essayer d'observer le plus précautionneusement possible. Et si on le fait, si on observe cette action de manière très attentive, on remarquera que il s'agit en fait d'une série d'intentions de s'asseoir qui se succèdent rapidement, et aussi une série d'actions corporelles qui abaissent graduellement le corps vers le bas. Ensemble, ces deux éléments, donc, on nomme ça avec la note mentale de s'asseoir, s'asseoir. Lorsqu'on s'assied, on place notre esprit, notre attention sur cette action et on la nomme silencieusement. S'asseoir, s'asseoir. Et ceci est en ligne avec le Satipatthana Sutta qui dit Kaye Kaya Nupassi Viharati, observer le corps dans le corps. Et on fait cela donc et on le fait de manière répétée. Afin d'observer donc Kaya, le corps comme Kaya, il faut une force. On appelle ça en pali Anupassana, c'est-à-dire l'observation répétée. Il faut aussi un effort mental qu'en pali on appelle Atapa. Tout comme on lit dans le sutta Atapi, l'effort ardent, le yogi qui pratique intensivement possède cette qualité de Atapi. Il possède aussi la qualité de Satima, qui est aussi dans le texte. C'est l'effort qui amène l'attention. Et cette attention est présente du début à la fin du processus, afin de connaître celui-ci. Et du fait d'une observation continue et ferme, l'esprit finit par être rassemblé sur l'action de s'asseoir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la concentration. Même si le mot concentration n'est pas repris dans le texte, donc du Satipatthana Sutta, en fait, elle est présente, elle est implicite. Donc il y a trois qualités qui sont présentes, qui sont nécessaires. L'effort, atapi, l'attention, sati, et la concentration, samadhi. Ainsi donc, quand l'esprit est rassemblé de cette façon, il remarque le corps qui, en s'abaissant, devient de plus en plus lourd, de plus en plus raide, éventuellement de plus en plus doux, et il en vient à connaître tous ces éléments clairement. Et dans le texte, c'est ce qu'on appelle Sampajanya. Dans le texte, donc, du Mahasatipatthana Sutta aussi, ce terme est repris. Le méditant sait donc clairement de cette façon, et cette connaissance n'est pas ordinaire. À la fois elle est correcte et à la fois elle est distincte. Correcte parce qu'il sait les choses dans le détail, il voit donc le processus de s'asseoir dans le détail, il voit que ce sont des segments qui se succèdent les uns les autres et qu'ils sont chacun différents les uns des autres. Et distinctement parce qu'il le sait pour lui-même. Il n'a pas lu ça dans des livres et il ne l'a pas tiré de ses réflexions. Donc il le sait distinctement et c'est une connaissance qui est aussi spéciale. Et il le sait complètement aussi. Donc voilà les facteurs qui sont présents dans l'observation. Il y a l'effort ardent, il y a l'attention, sati, il y a l'esprit qui est rassemblé sur l'objet, la concentration, et il y a cette façon de voir d'une façon spéciale, donc sampajanya. Et ces quatre facteurs ensemble composent ce qu'on appelle anupassi, c'est-à-dire le fait de rester sur l'objet en le voyant clairement. Et si on analyse maintenant le processus du fait de s'asseoir de façon détaillée, on remarque donc qu'il y a des éléments physiques et mentaux. Mais pour quelle raison est-ce qu'on donne systématiquement la priorité à l'aspect physique? Alors la raison en est que dans les textes, il est dit Yata pakadam vipassana Biniveso. pi Biniveso. biniveso. Okay. Et donc, en fait, cela veut dire que vipassana commence avec l'objet le plus évident. Or, la matérialité est évidente, alors que la mentalité, nama, n'est pas évident au début de la pratique. Donc, on ne peut pas s'asseoir rapidement. On est obligé non seulement de s'asseoir très lentement, mais aussi de porter une attention pleine au processus, sans quoi on ne le connaîtra pas à fond. L'observation doit être ferme, comme une personne malade qui s'assoirait. Et ainsi, l'esprit pourra-t-il tomber sur, par exemple, les qualités de raideur, de lourdeur, de tension, etc. Et à ce moment-là, on en viendra à connaître ces qualités. Ces trois qualités que je viens de citer relèvent de la matérialité, alors que le fait de les observer, de les connaître, ça relève de la mentalité. Tout ceci, ce n'est pas quelque chose qu'on peut connaître par la pensée. On peut évidemment se dire, bon ben, dans le fait de s'asseoir, il doit y avoir le corps et l'esprit qui sont impliqués. On peut le comprendre comme ça de manière superficielle, mais on ne le saura clairement que lorsqu'on l'observera de cette façon. Et quand on saura que dans ce processus de s'asseoir, il n'y a que la matière et l'esprit qui observent, à ce moment-là, on saura aussi qu'il n'y a pas de personne là derrière, dans le sens ultime du terme. Ce sont seulement des processus qui sont en jeu, matériels et mentaux. Quand le yogi verra cela, il en retirera une confiance accrue dans la pratique et il se dira que ce qu'a enseigné le Bouddha est vrai. Et ce type de confiance est une forme de foi accrue. Si le yogi pratique de cette façon, observe de manière répétée ce processus de s'asseoir, en appliquant l'effort, l'attention, sati et la concentration, ces trois facteurs vont devenir de plus en plus forts et la connaissance en émergera. Le yogi se rendra compte qu'il y a une série d'intentions qui sont en jeu, une série d'intentions qui se succèdent dans le fait de s'asseoir, et que celle-ci résulte une série d'actions physiques du corps qui s'abaisse et qui s'assied. Et ceci représente une étape ultérieure dans la connaissance, puisque le yogi discerne d'abord simplement qu'il y a un aspect physique et un aspect mental, ça c'est une première étape, et dans une deuxième étape, il discerne que ceux-ci sont liés par un lien de cause à effet. Du fait qu'il observe ce phénomène de près, qu'il voit donc qu'il y a une série d'intentions et une série d'actes physiques de s'asseoir, le yogi voit ces choses distinctement et cela lui procure encore plus de confiance dans la pratique. La première chose que l'on voit distinctement, c'est donc que le corps et l'esprit sont séparés. C'est le premier type de connaissance que l'on acquiert. Et c'est parce qu'on voit toutes ces qualités qui relèvent ou du physique ou du mental qu'on les voit clairement. Et quand le yogi observe de cette façon, il comprend clairement qu'il n'y a pas de soi, qu'il n'y a pas d'âme à l'intérieur de ce corps. L'idée donc d'un soi ou d'une âme est dissoute provisoirement, est chassée provisoirement. Provisoirement, parce que ce concept en fait ne sera définitivement éradiqué que quand le yogi aura atteint le premier stade de sainteté, de sotapatti. Alors en pali, cette vue fausse du soi, on appelle cela ataditi, et j'aimerais parler un petit peu de cela, d'expliquer ce que c'est que la vue fausse du soi. Alors il y a deux types de vue fausse du soi, il y a paramatta atta et jivatta atta. Donc le premier c'est les grands êtres, la croyance en l'existence de grands êtres. Et la deuxième, c'est la croyance en une âme individuelle. Alors, les anciens textes dans l'Inde ancienne expliquaient que tous les êtres avaient une âme et que c'est cette âme qui leur permettait de voir, d'entendre, de sentir, de goûter et de toucher. Et ils expliquaient aussi ces textes que un éléphant possédait une grande âme alors qu'une fourmi possédait une petite âme. Ils expliquaient aussi que lorsqu'on mourait, cette âme, Jiva Atta, n'était pas détruite. Alors, la croyance dans l'âme inclut la croyance en une personne, ou bien en un homme ou une femme, etc. Donc au moment où l'on s'assied, si on n'est pas concentré, si on n'applique pas l'esprit à l'objet, si on ne déploie pas d'efforts et si on n'applique pas une observation ferme, on ne verra pas donc la série d'intentions et la série d'actes physiques qui sont impliqués. On ne connaîtra pas la nature réelle du corps et de l'esprit. Et dès lors, on croira qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de s'asseoir, qu'il y a vraiment un être qui est en train de faire ceci. Alors qu'en réalité, il s'agit d'un conglomérat de matière et d'esprit. Ce conglomérat de matérialité et de mentalité est appelé Sakaya en pali, c'est-à-dire ce qui existe directement, ce qui est visible. Et si le yogi n'observe pas attentivement, non seulement il croira qu'il y a un être qui est en train de s'asseoir, mais il croira aussi qu'il y a une personne qui est en train de s'asseoir. Et ça, c'est ce qu'on appelle Sakaya Ditti, la vue fausse de la personnalité. À présent, comme le yogi observe attentivement, il comprend, et quelques yogis ici peuvent être conscients de cela, il comprend que il y a en fait une série d'intentions et une série d'actes physiques qui sont impliqués. Et donc la vue fausse de l'être, ataditi, est éliminée. Et le Bouddha avait un mot pour désigner ce corps et cet esprit réel, il appelait cela dhamma. Ce dhamma n'est pas un être, n'est pas une chose vivante, c'est sabhava, la véritable nature des choses. La véritable nature de l'esprit, c'est de connaître l'objet. La véritable nature de la matérialité, de rupa, c'est qu'il est incapable de connaître quoi que ce soit. Ce sont seulement des qualités, c'est la véritable nature. Ne sata, ne jiva. Mais dès lors, la question se pose, est-ce que cette véritable nature, ce n'est rien du tout? Ce quelque chose qui est là, c'est sabhava, la véritable nature. Le yogi qui observe, c'est cela parce qu'il observe ce qui apparaît. En fait, ces matérialités et ces mentalités, elles apparaissent en vertu de cause. Tant qu'on ne le sait pas, on entretient des doutes sur la raison pour laquelle ces choses apparaissent. Certains pensent ainsi qu'elles apparaissent sans cause, au hasard. D'autres penseront que c'est quelqu'un qui nous a commandé de faire ceci ou de faire cela. C'est pourquoi le yogi qui a déjà donc acquis la connaissance de l'absence de soi doit encore augmenter sa connaissance, aller plus loin. La cause de l'action, donc de s'asseoir, on la connaît quand on continue à observer. Et ce qui cause le fait de s'asseoir, c'est l'intention de s'asseoir. Le yogi qui continue son observation verra ça clairement, et il n'aura pas besoin de réflexion pour le voir. Il comprendra qu'il y a une connexion immédiate de cause et d'effet, et qu'il n'y a personne qui cause ceci, en fait. Ce sont seulement des processus qui se déroulent du fait de leur propre cause. Et les doutes seront ainsi dissipés à ce propos. Alors on va prendre un exemple du monde pour expliquer cela, donc pour expliciter ce que c'est que l'intention. Imaginez une usine, peut-être une usine ancienne, pas vraiment moderne, et dans cette usine il y aurait une machine entièrement métallique avec beaucoup d'objets qui seraient attachés à celle-ci. Et cette machine resterait inerte tant qu'on ne la brancherait pas au courant électrique. Mais dès lors qu'on la branche au courant électrique, elle commence à tourner et tout ce qui lui est attaché tourne avec elle. Voilà, donc dans cet exemple, il est évident que le mouvement du moteur est dû au courant électrique. Et dans le fait de s'asseoir aussi, c'est la série des intentions qui peut être comparée au courant électrique. C'est la série des intentions donc qui cause le fait que le corps s'assied, et le corps, lui, peut être comparé à la machine inerte. Le mouvement de s'asseoir possède sa propre cause, et cette cause, c'est l'intention. Ça peut être parce que le yogi, par exemple, est resté debout longtemps et est fatigué, il voudrait s'asseoir, il ressent de l'inconfort. Donc toutes ces conditions enfin, être fatigué par exemple, ou ressentir de l'inconfort, etc., peuvent amener le fait de s'asseoir. Ce n'est qu'un simple exemple, mais on peut aller plus loin. Lorsque le yogi est conscient de cette intention, de cette série d'intentions, et qu'il note cette série d'intentions, à ce moment-là, la série d'intentions de s'asseoir devient l'objet de son attention, mais devient la cause pour l'esprit qui note, qui lui devient le résultat. Alors, autre exemple, c'est du fait de la série d'actions physiques de s'asseoir, des actions successives de s'asseoir, qu'il y a un esprit qui note cette série d'actions physiques de s'asseoir. Et donc, la série d'actions physiques de s'asseoir est la cause, et l'esprit qui note est le résultat. Du fait de l'objet, il y a un esprit qui note. Voilà, donc on voit comment le corps et l'esprit sont liés l'un à l'autre aussi en termes de cause et d'effet. Donc il y a beaucoup de types de causes ou de relations de cause à effet qui peuvent être observées. Mais si le yogi veut acquérir cette connaissance pratique, il devra se concentrer sur l'objet. Et il devra aussi se déplacer lentement. S'il se déplace vite, il ne verra pas. Au contraire, il pensera, et alors il imaginera ce qui est en train de se produire. Ce sera de l'imagination. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais donc le yogi devrait se penser lui-même comme un invalide lorsqu'il se déplace. Donc nous devons déployer un effort ardent pour que l'esprit arrive à l'objet et qu'il lui fasse face directement, non pas l'observer de biais, mais l'observer directement de face, face à face. Et si on fait cela de manière répétée, même si on n'en retire pas de connaissance immédiatement, au moins l'esprit n'ira pas ailleurs pendant ce temps. Si ces deux facteurs, donc de l'application à l'objet et de l'effort, sont en équilibre, à chaque moment, sati, l'attention sera présente et permettra à l'observation de coller à l'objet et de ne pas glisser ailleurs. Le yogi sera alors plein d'énergie mentale. Un exemple concret qui peut illustrer cela, c'est lorsqu'on mange un morceau de nourriture, si on l'avale tout de suite, on n'en connaîtra pas le goût. Si on le mâche une fois ou deux fois, on le goûtera un petit peu, mais pas très à fond. Par contre, si on le mâche de manière répétée, pendant longtemps, on en connaîtra toutes les saveurs. Non seulement on en connaîtra toutes les saveurs, mais en plus la nourriture sera bien digérée. De la même façon, dans chaque mouvement, il y a nama et rupa qui sont impliqués, donc l'esprit et la matière, et chaque mouvement possède une qualité individuelle qui lui est propre, comme une saveur. Et donc, de la même façon que pour l'exemple qu'on a donné, si on mâche bien, on connaîtra la véritable nature, ici donc du mouvement. Si on ne mâche pas bien, enfin si on n'observe pas bien, on ne connaîtra pas l'objet. Si on n'observe qu'un petit peu, on ne saura qu'un petit peu de choses sur cet objet. Par contre, si on observe complètement, on connaîtra l'objet et cela nous procurera aussi de la satisfaction. Voilà, donc il reste un peu de temps pour cette retraite et je sais que les yogis, surtout ceux qui ont déjà pratiqué auparavant, qui ont déjà une expérience des retraites, mais aussi ceux qui commencent en fait, ont encore des opportunités pour continuer à développer leurs connaissances. Et j'espère que en écoutant cet enseignement de manière respectueuse, j'espère que tous vous serez capables de goûter la saveur du Dhamma et d'en retirer de la satisfaction. By virtue of listening respectfully to this Dhamma talk, I hope that all of you will be able to taste the flavors of the Dhamma well and become satisfied with your experience. That's all.